salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Ce soir, dans cette époque où il est de plus en plus compliqué de se retrouver en groupe, en famille, on a décidé de se concentrer sur les musiques qui ont traversé les générations et qui, quelque part, nous rassemblent. Donc ce soir, il est possible que vous entendiez des musiques souvent présentes au mariage et aux fins de soirée à 4h du mat quand tout le monde danse, et c'est normal. On va quand même essayer de résoudre l'équation compliquée de passer des morceaux a priori assez connus tout en essayant de vous apprendre quelque chose, de vous faire découvrir une autre version, bref, de vous faire redécouvrir ces titres qu'on a écoutés des milliers de fois, parfois avec lassitude, parfois pour un grand moment avec nos proches. Et il est aussi possible qu'on parle de samples et de concerts en famille, puisque j'ai écrit cette intro en n'ayant que ma vision du thème, avant que les autres proposent leur vision du thème. Et les autres, ce soir, pour ce voyage dans les années et les millions d'albums vendus, eh bien, il y a bien sûr Nicolas, qui s'occupe aussi de la technique. Bonsoir. Et puis, il y a Maxime, un des... Salut les gars. Un des piliers de la Memento Family. Bienvenue dans le studio 2 de Radio Panique. Bref, eh bien, le Memento en mode, je connais pas les paroles par cœur, mais... je connais les paroles par cœur, mais en yaourt parce que je parlais pas anglais quand j'étais petit et que le morceau est sorti. Eh bien, c'est tout de suite sur Radio Panique. On y va. On va vous jouer un bon vieux rock. Bien rétro. Enfin, c'est-à-dire, là d'où je viens, c'est un vieux rock bien rétro. Bon, attention les gars, c'est un riff de blues en scie. Pour les changements, vous me regardez et vous essayez de me suivre, d'accord ? Petit extrait de micro allumé. Petit extrait de Retour vers le futur. On trouvait que c'était une... Maxime, à la base, ouais, trouvait que c'était une belle petite intro. Maxime qui n'a pas vu le film, il y a très longtemps. J'ai vu une fois, mais j'avais ce souvenir de cette scène-là. Et donc, ouais, ça passe bien. Très belle idée. Très belle idée. Un mec qui vient du passé, qui va dans le futur pour une émission nostalgie, musique qui vient du passé, qu'on écoute dans le futur. On se trouvait que c'était plutôt pas mal. Voilà, c'était l'idée. Et c'était Arthur, l'idée de base. Je pense que c'est toi qui commence avec une sélection, avec ton interprétation du thème, on va le dire. Voilà, mon interprétation du thème, c'était aller chercher des trucs qu'on a écoutés avec nos parents, qu'on a creusé, et qu'on écoute encore toujours entre nous, plutôt presque trentenaire maintenant en soirée, avec plaisir. Et moi, j'ai pensé à Queen, et j'ai pensé à We Will Rock You, classique des classiques, vraiment une espèce d'évidence pour tout le monde. Mais, et en plus, groupe que j'ai découvert par mon père, donc en termes de transmission générationnelle, on est bien. Mais tout l'intérêt de cette version, eh bien, c'est que c'est la version Live Killers de 79. Et cette version n'a en fait strictement rien à voir avec la version originale, puisque c'est un live, et du coup, ils n'ont pas la possibilité de faire sonner, a priori, 200 batteries en même temps, comme c'est fait dans l'enregistrement studio. Et du coup, ils font une version un peu punk, très rapide et néanmoins extrêmement cool. Voilà, Queen, We Will Rock You, Live Killers, 1979. We'll be right back. Shout outs now. Peace to. I'm just gonna hold your hand when you die. Purpose and dedicate will also be there too. Just gonna hold your hand when you die. And as you get to send the mums, the world will help you. Just gonna hold your hand when you die. There's a fellowship and Ash Tavern will help you. I'm just gonna hold your hand when you die. To the Minute Empire Hip Hop Clan too. I'm just here to hold your hand, dude. I'm just here to hold your hand when you. Just here to hold your hand when you die. Back, c'est mis au rap. C'était Imaginary Places, Bus Driver, avec donc ce sample de Bach. C'est l'autre vision, une des autres visions qu'on a imaginées de ce thème. Pendant ce temps-là, eh bien, Nicolette est en train de changer le câble, le mini jack, puisque si vous avez entendu des petits soucis au niveau technique, au niveau de la musique, c'est à cause d'un câble un petit peu foireux. Maxime, oui. C'est avec toi que cette idée du sample est venue. Ouais, Nicolas l'a eu aussi. On a eu un peu la même idée. Voilà, explique-nous un petit peu ce délire. Ben, je trouvais que c'était intéressant dans une émission qui parlait justement d'intergénération, de mettre en vision aussi à travers les samples et justement le fait que certaines chansons ont été réutilisées au fur et à mesure, ont été actualisées, parfois en changeant de rythme, en changeant complètement de style, etc. Et c'est exactement le cas ici. Et ouais, moi je kiffe cette version un peu rap de Bach là. Bah, c'est une question d'interprétation en fait du sens multigénérationnel. C'est que soit il y a un consensus des plusieurs générations qui se mettent d'accord en disant ouais, bah, j'adore ce titre, comme avec ton père, avec Queen et toi, ouais, vous adorez tous les deux ce titre. Là, je suis pas sûr pour le coup que Bach aurait hyper validé la version. Il doit se retourner dans sa tombe, à mon avis. Ouais, bah, peut-être qu'on serait peut-être surpris en mes 10 ans, mais au moins il y a un côté. Oui, bah, multigénérationnel au sens influence et son, tout simplement. Il y a un sample qui date du 18e siècle, voire avant. J'avoue que je n'ai pas le siècle en tête pour Bach. J'ai envie de dire 1700. Et des fafiotes. Oh là là, je sais pas. Bon, ils se retrouvent peut-être une deuxième fois dans sa tombe, notre cher ami Bach. Mais par contre, ce qui est trop bien, c'est que pour un même limite morceau, ton grand-père a kiffé et toute la suite de la génération a kiffé aussi, quoi. Donc, oui. De là à ce que mon grand-père kiffe le rap, même technique. Non, mais je veux dire, il a kiffé oui, Bach oui, et toi, exactement. Derrière, avec le sample, tu l'as redécouvert et tu l'as kiffé, quoi. C'est tout l'intérêt du truc, effectivement. À fond. Il y a beaucoup maintenant, en plus, ça, j'ai l'impression, avec le rap actuel. Où ils viennent choper des vieilles mélodies des années 80, des années 90, et ils viennent rapper par-dessus, où toi tu connais plus, et là tu te sens que t'as pris quelques années un petit peu, et tu reconnais plus l'ancienne version que la nouvelle, alors que les jeunes, ça tombe, ils sont même pas conscients en fait c'est que ça. C'est je un dirais remix même que ou un sample. C'est même plutôt les débuts du rap qui sont vraiment là-dessus, où on reprend des breakbeats de jazz, où on prend des samples et tout ça, des Dr. Dre, des choses comme ça, c'est une référence à ce qu'on va écouter après. Mais ça s'est surtout beaucoup fait avant. Maintenant, effectivement, il y a par exemple Nicki Minaj qui a fait un I Like It Like That, qui est un truc de Boogaloo, c'est le nom du style. Je sais plus c'est quoi le nom, mais I Like It Like That dans sa version originelle, elle est dingue. Et donc ça continue à se faire aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a une grosse partie de la prod rap qui est des prods qui sont créés par des beatmakers, quoi. Mais en tout cas, la base du rap, c'est vraiment ça, c'est on sample et on rappe par-dessus comme on a fait sur ce magnifique sample de Bach. Et ce qui est trop bien aussi, c'est de tu t'y attends pas, quoi. Il y a des chansons. Moi, je ne savais pas du tout que c'était un sample, que c'était une chanson originale. Oui, c'est ça, etc. On redécouvre des choses. Je trouve ça génial d'être surpris par une chanson que t'aimes et de savoir qu'en fait, elle a un vécu, quoi. Voilà. Et bien, justement, Maxime. Ouais. Moi, je vous fais découvrir. Ben, non, elle est très connue, mais c'est What's the Difference de Dr. Dre, Eminem, et il doit sûrement y avoir une troisième personne dont j'ai oublié. Et qui, au départ, est celle de Charles Aznavour. Et le titre original, c'est Parce que tu crois. Donc on va d'abord écouter What's the Difference, un petit extrait, après on écoutera. Et puis quelques secondes ou quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que le mini jack a fonctionné? Non, il fonctionne. C'est okay. Juste que si j'appuie pas sur le bouton play. Voilà. Donc, What's the Difference? Quand on l'entend, on a l'impression que c'est pas du tout un sample en fait. Hein. Ouais, on dirait que c'est un truc qui a été fait exprès par un beatmaker pour être bien. Bien cool. Et quoi, on passe l'original alors ? Et alors l'original, on va vraiment comparer les deux. Ouais. On entend la petite similitude. Hein. On l'écoute. Charles Aznavour. Parce que tu crois. Parce que tu crois. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse. Tu me blesses, me meurtris. Et te joues de moi comme de toutes choses. Et dispose de ma vie. Et jour et nuit. Parce que tu crois être ma raison d'être, tu fais naître ma douleur. Et bien malgré toi, en tout cas, je le pense, tu dépenses le bonheur qui vit dans mon cœur. Un jour peut venir, demain peut-être, ou bien dans l'avenir. Ou qui sait, mon Dieu, le destin viendra pour brouiller les jeux. Tout ce que tu crois être à toi sans réserve, comme un rêve au matin, ta loi, laisser tes yeux humides et le vide dans tes mains. Parce que tu crois que je suis un esclave, une épave de l'amour, tu puises tes joies et tu forges tes armes dans les larmes sans secours. De mon cœur lourd, parce que tu crois que je fus mis au monde pour que blonde déchaînée, tu me mènes au pas sans faire sacrifice d'un caprice, d'une idée d'enfant gâté. Quand tout sera mort, quand la passion aura quitté mon voulait dire que nous deux, c'est fini, tu vois, et qu'enfin il ne reste que le geste de l'adieu. Parce que tu crois, c'était Charles Aznavour, et ça nous a fait rire, on en a parlé, ça nous fait rire d'imaginer Charles Aznavour crédité, parce qu'il l'a été, hein, crédité, ouais, sur l'album Dr. Dre, Eminem, Exhibit, etc. etc. assez impressionnant de se dire qu'il y a le nom de Charles Aznavour qui traîne dans le petit livret. Quoi. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du son, je pense, d'être crédité de genre de choses, mais très sympa. Et dans ce délire, il y a vraiment la question comment Charles Aznavour est arrivé jusqu'aux oreilles de Dr. Dre. Ça, c'est aussi une vraie question à laquelle on n'a pas la réponse. On a fait des recherches, mais on ne trouve pas spécifiquement. Est-ce qu'il y a eu... C'est encore plus cool qu'un mystère. Oui, c'est sûr. En tout cas, c'est bien arrivé, ça a bien été utilisé, ça a bien vendu. Et d'ailleurs, n'empêche que, toujours dans l'intergénérationnel qui a traversé les temps et les âges, notre cher Charles Aznavour, il a quand même, je crois, 50 ans de carrière derrière lui. Enfin, il avait en tout cas, avant son trépas. Big up à Charles, j'ai envie de dire, pour tout ce qu'il a fait et pour m'avoir permis de chanter. Big up à Charles pour tout ce qu'il a fait pour le rap US. Voilà. Franchement, on le dit pas assez. Exactement. La suite, c'est quelque chose qu'on a écouté potentiellement, nous, tous les trois. Pré-trentenaires, qu'on a écouté tous les trois avec nos parents, potentiellement. Maxime. Ouais. Alors, c'est un groupe français que j'adore, c'est Louise Attaque. Et la chanson, c'est toute cette histoire. Et moi, j'ai un petit vécu avec, peut-être pas avec cette chanson-là, mais en tout cas avec le groupe. J'ai vraiment fait toute mon enfance, préadolescence avec Louise Attaque. Et surtout, l'album, c'était Louise Attaque, je crois. Je sais plus le nom de cet album-là. Bah, leur premier, en fait. Leur tout premier. J'ai vraiment pas suivi le reste des autres albums. Je l'ai devant les yeux, mais j'aime bien vous voir paniquer à Je crois savoir. Qu'il est nominatif. C'est Louise Attaque, je crois. Exactement. Ouais. Un album éponyme. Ouais, hop. L'album qu'on a tous poncé dans la voiture en allant aux vacances. C'est ça. Sur la route du soleil. Il y avait Trio aussi à l'époque, un peu dans la même veine. Oui, mais c'était plus récent, mais c'était à la même époque. En tout cas, moi, j'écoutais les deux plus ou moins en même temps. Mais pas avec tes parents. Moi, je trouve que c'est vraiment mes parents qui m'ont fait découvrir Louise Attaque. C'est mes parents qui ont mis la cassette dans la voiture et qu'on fait écouter ça, les jeunes, ça va vous faire du bien, quoi. Pas moi, mais c'est pas. C'est bien aussi. Et petite anecdote quand même sur ce Louise Attaque, c'est que cet été, on a eu la chance et l'honneur, et vraiment peut-être c'est la dernière fois de notre vie, on sait pas, de partir en vacances ici à Troyes avec un autre pote, et dans des conditions qui resteront sombres, on s'est fait voler plein de trucs, et enfin un sac avec des affaires surtout. Et on avait besoin d'extérioriser. Voilà, et sur le chemin du retour, pendant que Nicolas, principale victime du vol, allait chez les flics avec notre autre pote, et bien Maxime et moi, on était quand même un peu sous, hein, c'était un peu la base. Et bien on a chanté ce qu'on va écouter, c'est-à-dire toute cette histoire en boucle sur le chemin du retour, un peu pour effectivement extérioriser la petite chanter, rage, le mot, petit stress. Mais voilà, on a hurlé ça dans les tunnels de Saint-Sébastien. Et je pense qu'il y a dû y avoir plein de gens qui ont dû faire ça avec cette chanson, qui sont tombés sur ça après qu'il leur soit arrivé peut-être une grosse merde. Spécifiquement à Saint-Sébastien. Pas spécifiquement à Saint-Sébastien. Où ils veulent. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Bah voilà, toute cette histoire. Louise Attaque. De l'album Louise Attaque. Toute cette histoire est bien ancrée dans ma mémoire. Si quelqu'un vient s'emmêler, je crois que je vais Elle m'a prêté sa guitare. Elle était bordeaux et noire. Je voudrais bien la revoir. Car toute cette histoire est bien ancrée dans ma mémoire. Et si quelqu'un vient s'en mêler, je crois que je vais gratter une belle histoire. Sorti de ma tête par hasard, sorti d'un livre aux yeux noirs. Elle aime le rouge et le noir. Je voudrais bien la revoir. Et je peux pas te croire. Elle m'a prêté sa guitare. Elle était bordeaux et noire. Je voudrais bien la revoir. Car toute cette histoire est bien ancrée dans ma mémoire. Et si quelqu'un vient s'en mêler, je crois que je vais craquer. Car toute cette histoire est bien ancrée dans ma mémoire. Thank you. chan chan, en el mar servía una arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Puerto voy para Miami. De Alto Cedro voy para Martané. Llego a Puerto voy para Miami. De Alto Cedro voy para Martané. Llego a Puerto voy para Miami. Buena Vista Social Club, le fameux Chan Chan. C'est un album qui est en fait assez fou, puisqu'en fait c'est l'idée d'une maison de disques qui s'est dit on va rassembler des musiciens cubains, des musiciens d'Afrique de l'Ouest et on va les faire jouer ensemble et ça va être fou. Et en fait les musiciens africains ne sont jamais arrivés, il y a eu des soucis d'avion, voilà, ils sont jamais arrivés. Donc du coup en fait c'est juste devenu un album de musique cubaine. Et en fait tous les musiciens cubains, ce sont tous des gens qui ont joué pendant les années, qui ont joué en tout cas le style qui était le roi à Cuba pendant les années 30, 40, 50, donc ce traditionnel cubain à l'ancienne. Et en fait cet album il date de 96, donc c'est beaucoup plus tard. Et en fait cet album a méga méga bien marché, il y a eu un film, et en fait ça a tellement marché que le groupe a tourné pendant 20 ans. Sauf que en fait les musiciens étaient tous assez vieux, et donc en fait quasi tout le presque tout le casting du groupe en fait a été remplacé par les musiciens au fur et à mesure qu'ils mouraient, par d'autres musiciens au fur et à mesure qu'ils mouraient. Et donc souvent de la même famille, non, il y a pas eu des genre de transmission père-fils ou genre de choses. Il y a un peu des dynasties, on va dire. Et du coup voilà, c'est un groupe qui par définition a traversé les générations, puisqu'il a déjà été chercher de la musique qui avait 50 ans pour la faire jouer par des vieux musiciens qui au fur et à mesure ont joué de plus en plus avec des plus jeunes. Et c'est quelque part, c'est assez chouette parce qu'ils nous ont fait arriver cette musique qu'on n'aurait potentiellement pas connue, en tout cas pas comme ça. Et moi je trouve ça assez fou. Et pareil, c'était un CD qui traînait chez mes parents et que je ressors à chaque repas. Ce qui est fou, c'est que c'est quand même un classique, c'est une chanson que, je veux dire, tout le monde connaît, mais beaucoup de gens connaissent, surtout dans notre génération, et c'est pas forcément un genre de musique que j'écoute au quotidien ou pas du tout, mais tout le monde, s'il y en a musique cubaine que les gens connaissent, c'est bien celle-là, et comment une musique a traversé comme ça les générations. Tu sais pas trop d'où, en fait. Moi, je saurais pas me rappeler quand je l'ai entendue pour la première fois. Pourquoi personne ne m'a dit à un moment, tiens, écoute cette chanson. Enfin, peut-être, hein, mais j'ai pas un souvenir comme ça de passation de musique, mais elle est un peu arrivée dans les oreilles, je sais pas, par hasard. Mais c'est vrai que dans les films, comme tu disais, à mon avis, c'est aussi, ça vient de là aussi. Hein. Elle est pas mal passée, je pense. Hein. C'est bien possible. Franchement. La question suivante. D'abord, la question entre nous en termes de lecture de conduite. Est-ce que Esmos, on l'avait pas mis à la fin et qu'on n'arrivait pas directement à la suite du futur de la musique? Ah. C'est possible. Je pense. Si tu vois cette lecture-là. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Alors, couper, coller. Hop là. Donc, c'est du direct. Maxime, le futur de la musique. Cette petite question de dans l'autre sens. Nous, on a hérité. Ouais. De nos parents, mais qu'est-ce qu'on ferait écouter à nos enfants? Je sais pas. En fait, je me disais, ouais, si je devais faire écouter un truc à mes futurs enfants, en fait, c'est pas vraiment ça que je ferais écouter, je crois. Mais c'est un truc qui a en tout cas marqué ma vie, donc c'est un truc que ouais, je ferais écouter du moins pour faire comprendre notre génération et ce qu'on a pu vivre. Ce serait un bon vieux Booba, quoi. Genre, le gars a quand même une putain de carrière, plus de 20. Ouais, largement 20 ans de carrière. Il a traversé un peu tous les styles. Le gars a 40 ans, je crois. Du rap aussi. Ouais, c'est ça. Donc il a vraiment parti. Il a une dizaine d'albums, je crois. Je dis des chiffres au hasard, mais je crois que c'est une dizaine d'albums faciles. Des millions de ventes, etc. Donc vraiment, c'est un truc que je ferais écouter à mes enfants d'office parce que c'est quelque chose que j'écoute. J'écoutais déjà en secondaire, que j'écoute à l'université, que j'écoute encore maintenant. Donc ouais, ça a marqué ma vie. Je le ferais écouter en tout cas, c'est sûr. Et aussi, ce qui est intéressant par rapport à notre époque, c'est que quelque part, on pourrait dire que nos grands-parents, qui seraient nés dans les années 40, ont vu l'explosion du rock à l'époque. Et en fait, nous, on peut dire que, alors, on n'était pas là pour la première naissance du rap. Ah si, on y était, mais on était trop jeunes. Ouais, c'était même avant nous. Hein. C'était même avant nous. C'était même dans les années 80. Ouais, ouais. Okay. Mais par contre, en tout cas, en Europe, en tout cas, en francophonie. Le fait que le rap devienne le nouveau rock, devienne la nouvelle pop, là on est vraiment en plein dedans. Et donc. Nous on l'a vécu directement. Je pense qu'autour de la table, nous personnellement, on était plus team rock au début de notre culture musicale. À fond. Et petit à petit, certains plus que d'autres, on s'est plus ou moins orienté vers le rap. Et notre culture musicale s'est plus en plus orientée vers le rap aussi. C'est ça. À l'époque, quand NTM est sorti, moi, j'étais tout jeune et je disais « Ah, c'est une musique bizarre voilà. !» Et à 20 piges, je me suis rendu compte que c'était génial, quoi. Les fameux grunge versus l'ironie. Voilà, exactement. Je veux dire que les rappeurs ont vraiment pris la place des rockers. Ah ouais, ça c'est une évidence. Les rappeurs sont les nouveaux rockers, quoi. Eh bien, un des rois des rappeurs, Booba et son éléphant. Bamboula va faire de la moula. La moula. Doucement mais seulement. Oh. Avant de te séduire, ce sera très élégant. À aboyer sans mal, tu vas te casser les dents. Avant de les détruire, je laisse parler les gens. Je n'aurai jamais tour des bois. Je ne tue pas l'éléphant. Les mieux armés, calaches, fusils sont les mieux lotis. J'ai que qui trempe dans l'eau, je pisse du piloté. Crâne très noir, donc sombre mélodie. Écarté pour entrer en cérémonie. Fonqué, je suis un peu parano, j'mets le bombe dans le jacuzzi. On te fait parler à la tronçonneuse, pro dans le monde atonné. Car la brunie joue de la gratte à Sarkozy. Petite marocaine, c'est ta paire plus connue. Connu en Inde à Champigny. Tardin veut faire un tour dans Bokini. En niquant beaucoup de mer, on se bonifie. Tire d'eau de surface de chemin, s'intensifie. Dans sa merde, si on y est bien, on y vit. On département M, blanche de Bolivie. La cocaïne est plutôt bonne ici. Montagne de fer, tout le monde a fait de la tolice. Jamais ce qu'on fait, mais on fait toujours ce qu'on a dit. Tu vas savoir qui je suis, je rentre dans ta schneck, genre mon ID. Si t'as pas la moula, toi bon, oula, bouge la BTMD. Oh, bouge pas, allo, moi sans moi vouloir, argent, vivendi. qui affronte le duc, cours à une fin tragique. Nique ta mère la pute sur ma carte de visite. Si Jordan sous terre c'est résolu. Les uns comme toi font que personne évolue. Qui sont-ils vraiment, je m'interroge. Je fais 7 à 8, mes ennemis sont devant la déloge. Noir mal au camp des loges. Quand je ferai le parc des princes, on mangera dans ses loges. C'était Booba avec Éléphant. Dans le Memento, toujours intergénérationnel, Radio Panique, tout ça. Nicolas, quand t'as fini avec les boutons, tu veux nous parler de... sauter sur le micro. Tu veux nous parler de... un éléphant. De matin nazi, c'est ça. Oh, mais on avait dit qu'on la faisait pas, celle-là. Tu es un petit traître. Un tout petit ça, peu. En plus, je suis en plus désemparé parce que je suis en train de toucher à mes boutons, donc je ne sais rien faire et pas argumenter. Non, mais je vais tout simplement faire comme tout bon politique. Je vais nier la question et la réflexion et passer à autre chose. Oui, dans mon choix de musique... plurigénérationnel, on va dire c'est comme ça. J'ai tout de suite pensé à ce titre, je sais pas pourquoi, parce que je crois que je l'ai écouté il y a pas si longtemps que ça, avant de préparer l'émission, et ça m'a paru un peu comme une évidence, genre de musique qui a plusieurs dizaines d'années et qui ont l'air tout aussi actuelles, qui ont, à mon avis, rythmé le matin de, bah, de beaucoup de personnes, de beaucoup de générations aussi, depuis la sortie de cette chanson, Lovely Day de Bill Withers, parce que quoi qu'il arrive, cette chanson, elle met de bonne humeur, j'ai l'impression. Alors j'espère qu'il n'y a pas de double lecture des paroles de la chanson et qu'il y a une lecture hyper négative, mais j'ai vraiment pas l'impression. D'où la blague que tu faisais avec les nazis, où on imaginait des nazis se réveiller en bonne humeur en écoutant cette chanson. Et ça me fait rire que, peu importe nos idéologies totalement craignos, totalitaires et antisémites, on peut le dire, eh ben on peut se lever du bon pied en écoutant une bonne musique. Et ça me fait rire de penser que les pires connards peuvent aussi se lever en écoutant une musique qui leur fout la pêche. C'est un pitch de sketch. À fond, totalement. Tout simplement. Totalement. Ben, on peut faire ça belge, hein. J'imagine Théo Franken se lever de bonne humeur. Alors, j'ai pas fait de transition. Parce que là, du mauvais Godwin, pied et du bras tendu. Le point Godwin, il s'est dressé si vite, mais dans l'autre sens. On va arrêter de tergiverser. On va écouter Lonely Day de Bill Withers, histoire de passer... Lovely Day. J'ai dit quoi ? Lonely Day. C'est pas tout à fait... C'est pas tout à fait le bon titre, effectivement. Histoire de passer une bonne fin de Memento. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely. Bill Withers, Lovely Day. Et c'est matin nazi. Je suis désolé, c'est écrit ça. C'est écrit sur la conduite, ça me fait beaucoup rire. Ah, mais tu peux tout pardonner alors. Oui, c'est écrit sur la conduite, ça justifie tout. la suite, Allez, moi quand j'imagine un cool matin, souvent c'est des dimanches matins, et bien la suite c'est un dimanche un peu moins drôle, à savoir Sunday Bloody Sunday des U2. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous faire écouter ça? Et bien parce que, de un, ça vient d'une version live qui s'appelle Under a Blood Red Sky, qui est donc un live qui est sorti en 83, qui est génial, qui a plein d'énergie, qui a très peu, il y a pas de prod quoi, ils sont quatre sur scène, il y a rien d'autre, il y a pas d'énorme structure, enfin c'est une grande scène mais c'est pas tout le show qu'on connaît maintenant qui a son intérêt hein. Voilà, c'est juste de la musique, c'est simple, c'est efficace, c'est plein d'énergie et ça permet de se rappeler que U2 c'est un groupe irlandais de rock des années 80, même qui a commencé avant les années 80, mais qui a commençaient à être connus dans les années 80 et qu'ils avaient une patate de malade et qui faisaient des trucs vraiment très très chouettes. Et c'est aussi cool parce que c'est aussi un héritage que j'ai eu de mon père et je pense que potentiellement il y a eu des passages entre donc la génération des parents qui étaient allés jeunes dans les années 80 et nous. Et j'ai aussi un souvenir très drôle avec cette chanson, à savoir mon père qui danse avec tous ses potes cinquantenaires à un mariage sur cette chanson là et ils sont, je sais pas, une quinzaine en train de danser en rond, en cercle, à se tenir les uns les autres et à hurler sur cette chanson. Et ça s'appelle une partouze. Et c'était sympa comme moment. C'était très drôle à voir. C'est un peu bizarre quand même. C'est comme ça que t'es né. Oh ben je veux bien, moi je veux bien être né sur Sunday Bloody Sunday Live Under Blood Red Sky. C'est U2 sur Radio Panique. About this next song, maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday. Tonight, tonight, Sunday, Bloody Sunday, U2 en live. Plein d'énergie. À fond. Plein de motivation. À fond. Plein de rage. Plein de batailles politiques pour la paix en Irlande. Voilà. J'ai envie de continuer avec encore une interprétation différente du thème, plus ou moins différente. On a eu le sample intergénérationnel avec du Bach, avec du Charles Aznavour, etc. On a eu du vieux rock et de la transmission d'une génération à l'autre, parentale exactement. Et y a une espèce, c'est pas vraiment du sample du coup, mais c'est plus du mash-up. Où le beatmaker du sample, et au final, c'est l'artiste en tant que tel. Et là, c'est Esmos, pour le coup, qui mixe deux générations ensemble, des vieux classiques de jazz dans un album qui s'appelle Hip Hop and Jazz, d'ailleurs, tout simplement, de Esmos. Et là, il le mixe vieux jazz classique de Duke Pearson, je pense, avec un titre de Eminem, enfin, en tout cas, l'a cappella d'un titre de Eminem. Ça fait un petit clash de générations assez sympa, mais qui est hyper frais et qui passe trop trop bien. Ça fait déjà très longtemps que ce titre est dans ma playlist. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il ait déjà été diffusé dans un Memento du passé. C'est possible. Mais on va se l'écouter. Sweet Honey Bee de Esmos pour presque conclure ce Memento. Presque. They call him Superman. They call him Superman. They call him Superman. They call him Superman. They call him Superman. They call him Superman. They call him Superman. They call him Superman. They call him Superman. Leap tall hoes in a single bound. I'm single now. Got no ring on his finger now. I never let another chick bring me down in a relationship. Save it, bitch. Babysit. You make me sick. Superman ain't saving shit. Girl, you can jump on Shady's dick. Straight from the hip. Cut to the chase. I tell a motherfucking slut to her face. Play no games. Say no names. Ever since I broke over what's her face, I'm a different man. Kiss my ass, kiss my lips, bitch, why ass? Kiss my dick, get my cash. I'd rather have you whip my ass. Don't put out, I'll put you out. Won't get out, I'll push you out. Puss blew out, popping shit with piss on fire to put you out. Am I too nice? Buy you ice. Bitch, if you died, wouldn't buy you life. You trying to be my new wife? What, you Mariah? Fly through twice. But I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday. Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. Maybe we'll someday grow. Till then, just sit your drunk ass on that fucking runway, ho. It's no secret, everybody knows. Yeah, we fuck, bitch, so what? That's about as far as your buddy goes. We'll be friends, I'll call you again. I'll chase you around every bar you attend. Never know what kind of car I'll be in. We'll see how much you'll be partying in. You don't want that, neither do I. I don't wanna flip when I see you with guys. Too much pride between you and I. Not a jealous man, but females lie. But I guess that's just what sluts do. How could it ever be just us two? I never loved you enough to trust you. We just met and I just fucked you. Sweet Honey Bee, Esmos, avec d'un côté le vieux jazz de Duke Pearson et le nouveau rap, ou en tout cas de l'époque de Eminem et Superman. Un très joli mix quand même, hein. Ouais, j'aime bien. C'est hyper créatif, hyper bien poussé, hyper bien foutu. Eh bien, c'est la fin de ce Memento, saison 5, épisode 7, 8. Non, pas tout ça, 4, 5. Je sais pas, on s'en fout en fait. Mais c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Je vous propose qu'on termine sur une chanson blague. Donc déjà, c'est un interprète qui a aussi traversé les générations et les mariages, à savoir Claude François. C'était vraiment ça la question, c'est qu'est-ce qu'on écoute au mariage à chaque fois. Et il y a toujours un moment où il y a un Claude François qui ressort d'office. Et en baladant pour savoir lequel de Claude François je voulais mettre, eh bien j'ai vu ce titre là cette année là et je me suis dit que c'était très drôle puisque dans ses paroles il est là, hein, c'est les années 60, il y a le rock and roll venait d'ouvrir ses ailes et tout ça, et en fait c'est un titre qu'on pourrait mettre dans une chanson pour parler de l'année 2020 et qui s'appellerait cette année là Oui, moi j'imagine bien l'interprète de cette chanson pas comme étant Claude François, mais comme étant le Covid en 2019. Oui, exactement. Et comme on n'est peut-être même pas sûr au final de se retrouver pour un Memento le mois prochain, on croise les doigts pour en tout cas le faire dans ce studio, eh ben, imaginez que le Covid chante cette chanson cette année-là pour conclure ce petit Memento. Pour se foutre bien de notre gueule. On se retrouve dans un mois, Inch'Allah. Merci Nicolas, merci Maxime. Merci Arthur. On balance le micro à Réservoir Dub juste après. Ils sont pas obligés de laisser le Claude François jusqu'au bout. Hein. On leur fait l'appel du pied, l'appel du micro, comme ça ils font ce qu'ils veulent. Mais on vous souhaite une bonne soirée en tout cas sur Radio Panique. Claude François cette année-là, merci beaucoup. Déjà, les Beatles étaient quatre garçons dans le vent. Et moi, ma chanson disait marche tout droit. Plus j'y pense et moins j'oublie. J'ai découvert mon premier, mon dernier amour. Le seul grand unique et pour toujours le public. Cette année-là, dans le ciel passait une musique, un oiseau qu'on appelait. C'est là qu'on a dit adieu à Marilyn au cœur d'or, tandis que West Side battait tous les records. Cette année-là, les guitares tiraient sur les violons. On croyait qu'une révolution arrivait cette année-là.